Bonjour à tous, voici tout de suite votre rendez-vous du mardi soir, 19h30, 20h, c'est avec Galaxy Live. Et cette fois-ci, direction l'Escape Concept, samedi dernier, lors de la soirée les Moulinex, des DJs qui étaient présentes aux platines de l'Escape Concept. Eh bien, c'est tout de suite pour la première partie. With Galaxy. Music remains on top. spaghetti, eh? But I got power, you know what I mean? I'm an Indian, you know? I'm an Indian. You know what an Indian is? You know? We got everything in South America. You want to smoke marijuana? We have many. You like cocaine? We have it too. You got the wine? We got the coca. Together we can get high. But don't get high, okay? Never get high. Supply. Thank you. Now you can do what you like, 'cause it's wrong. Avec à l'instant les DJ Moulinex qui étaient samedi dernier du côté de l'Escape Concept. C'était la première partie. La deuxième aura lieu dès demain soir à partir de 19h30. Comme à son rendez-vous habituel, mardi, mercredi soir, 19h30, 20h, l'émission Galaxy Live pour retrouver l'ambiance de votre week-end. Sinon, bah écoutez, la suite de musique, c'est comme d'habitude, mardi soir, ça n'a pas changé et ça restera comme ça pendant un bon bout de temps, vu que c'est un rendez-vous qui cartonne toujours avec Nicolas, l'émission Trip in Progress d'ici quelques secondes. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver directement le track listing de cette émission qui est diffusée d'ici quelques secondes, donc je le rappelle, sur le forum de la radio, forum.galaxyfm.com tout simplement. Et puis demain matin, vous avez rendez-vous avec notre ami Willy à partir de 7h pour les matinales, suivi de Stéphane Haroche, également Tony. Et puis moi, je vous retrouve à partir de 17h tout simplement, histoire de repasser une bonne soirée, un bon début de soirée en tout cas. Et profitez bien de plein de choses. Allez, il est 20h. Bonne soirée à tous aussi de suite. Nicolas pour l'émission Trip in Progress.